Et voilà donc pour nos 2 heures de dialogue. Demain à 9h, on remet ça à conversation sur le pays et sur le monde. Passez un excellent lundi et à demain matin. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. L'enquête à Saint-Georges-sur-Meuse en province de Liège après la collision entre un train de passagers et un train de marchandises. Un conducteur de la SNCB, 2 voyageurs sont décédés. Cela s'est passé hier soir, peu après 23h. Il y a également 10 de blessés. Le bilan reste provisoire. Le train de passagers a embouti le train de marchandises qui était à l'arrêt. Les 2 wagons qui se sont renversés sur les voies restent sur place, restent en place pour laisser aux enquêteurs le temps d'investiguer. Une 40aine de passagers au total se trouvaient à bord, parmi eux des étudiants qui retournaient dans leur côte à Liège. Erreur humaine, ennui technique, problème de signalisation dû à la foudre. L'enquête n'en est évidemment qu'à ses débuts. En 2008, un accident du même type s'était produit au même endroit. Le Premier ministre Charles Michel se rendra sur les lieux de l'accident en début d'après-midi. Le décès d'un octogénaire après les fortes pluies et les inondations d'hier dans la région de Momigny, dans la Botte du Hainaut. L'homme âgé de 83 ans a glissé dans sa cave inondée. Il est resté immergé pendant plusieurs minutes. Il est décédé ce matin à l'hôpital. Les orages accompagnés de pluies torrentielles ont provoqué le débordement de l'Oise. Plusieurs rues et habitations ont été inondées à Macnoise notamment. La grève des techs en province de Hainaut, les chauffeurs de tournée et affiliés à la CGSP ont décidé ce matin de reprendre le travail. Une assemblée est en cours à Mons. Quant aux conducteurs de Charleroi, ils se prononceront demain. La plainte d'un inspecteur de la police de Malines contre ses supérieurs. Fin de l'année dernière, l'homme avait reçu une information selon laquelle un proche de Salah Abdeslam était sans doute en train de se radicaliser. Il a dressé un rapport dans lequel il a clairement établi le lien entre cette personne et le seul terroriste survivant des attentats de Paris. Mais cette information n'a donné lieu à aucune suite puisqu'elle a été jugée non fiable. L'inspecteur se dit aujourd'hui menacé. Dans plusieurs journaux flamands ce matin, il explique également que sa vie est devenue un enfer, mal considéré également par ses collègues. Il s'est constitué partie civile. Il a déposé plainte contre son chef de corps, notamment pour diffamation et harcèlement. Le procès de Steve Baker devant les assises du Hainaut. Un procès suspendu ce matin de façon provisoire puisque l'accusé a été victime d'un passage à tabac vendredi sous le préau de la prison de Mons. Selon ses avocats, il n'est pas en état de suivre les débats. Il a été blessé au visage. Le président a désigné un médecin. Dans moins de 3 semaines, le vote en Grande-Bretagne pour ou contre l'Europe, y rester ou en sortir. Les derniers sondages sont incertains. Les 10 principaux syndicats britanniques publient ce matin une lettre dans la presse. Ils appellent leurs 6 millions d'adhérents à voter pour le maintien dans l'Union européenne lors du référendum du 23 juin. La météo avec des températures estivales, mais aussi un risque d'averses abondantes en fin de journée et pour la soirée, maxima de 20 à 28 degrés. RTBF Mobile Info, Antoine Binamé, toujours des blocages en région liégeoise. Oui, sur le 40, en direction de Aix, à hauteur d'Aller, passage difficile dans la bretelle de sortie numéro 32. Ce sont les gardiens de prison qui bloquent ce rond-point. Idem à Bierzet dans le rond-point qui mène à l'aéroport. Il semblerait qu'il soit toujours difficile d'accéder à cet aéroport. Et puis on nous signale à l'instant, sur la N5, dans les 2 sens, à hauteur du rond-point Bultia à Gerpine, une opération escargot qui est menée actuellement. Un chantier mobile à vous signaler, c'est à Bruxelles, dans le tunnel Rogier. Bande de droite neutralisée en direction du Midi. Et pour terminer, simplement vous rappeler cet accident sur la N4 Namur-Bruxelles à hauteur d'Ernage, passage difficile en direction de Bruxelles. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est l'heure des pigeons, je vous laisse avec Sébastien Nolvaux et toute son équipe. Merci Marianne, à tout à l'heure midi pour le retour de l'info. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien, vous avez passé un bon week-end? Oui, il y a du soleil jusque 16h aujourd'hui. Ah ben, on ça va bien, tu parles. Un maximum et on va aller faire un petit tour du côté de Tournai dans cette émission où Thierry a explosé une jante de voiture sur un nid de poule et l'assurance de la ville ne veut pas intervenir. Voilà, donc Tournai est sans doute la seule ville en Belgique où il y a des nids de poule, évidemment. Oui, évidemment. Non, hélas, non. Et donc, que fait-on dans le cas d'un problème de nid de poule avec des dégâts pour la voiture de l'usager? Bah, Thierry n'est pas du tout content parce qu'il espérait quand même retoucher un peu d'argent. Bah, Bernic. Dans le journal de la Conso Aurore, on vous propose de devenir sismologue. Oui. Est-ce que ça vous passionne aussi les tremblements de terre? Moi, je trouve ça très passionnant comme thème. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai, c'est un peu, vous savez, comme les chasseurs de tempêtes, tout ça. Ben, vous pouvez faire installer, si vous le voulez, un appareil qui va mesurer s'il y a des tremblements de terre, c'est dans votre cave, et c'est surtout un appel de l'Observatoire d'Uccle, donc c'est très sérieux. C'était plus drôle si c'était un appareil qui fait trembler tout le quartier. Mais non, ça ne peut pas. Hein. Non, c'est vrai, vous allez faire peur aux gens. Vous. Paul-Henri, on parle de bière avec vous. Oui, on va boire de la bière, quoiqu'on en boit un peu moins chez nous. Par contre, on en exporte des litres et des litres. D'accord, et puis direction le jardin pour combattre les limaces. Ah oui, Sébastien, ces gastéropodes gluants sont les pires ennemis des jardins. Arrière, Satan. Et comment on fait pour s'en débarrasser? Oh, c'est dégoûtant quand on s'en débarrasse. Ah, oui, non, ah, j'aime pas, ça c'est vraiment des bestioles que j'aime pas. Si vous avez des trucs peut-être à nous dire et à compléter pour Hubert, n'hésitez pas, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer tout ça par mail. L'adresse est pigeonpluriel@rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. On aura du soleil aussi dans les oreilles. C'est le tube de l'été, ça. Ouais, en mon avis, il l'a sorti maintenant pour essayer de faire le tube de l'été. C'est Enrique Iglesias qui sera là. Il y aura aussi Puggy. Ça, tu vois, c'est le tube de tout le reste de l'année. Il y en a qui font des tubes de l'été, et puis il y en a qui font des tubes pour tout le reste de l'année. C'est peut-être plus intelligent. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. So deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay, stay. C'était Kigo sur Vivacité avec Sté. Oh oui, reste, auditeur, reste. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Reste, surtout qu'on va te lire. Vous avez été nombreux sur Facebook à réagir ce week-end et vous avez laissé... on avait mis un petit article sur la page Facebook sur l'ouverture des magasins le dimanche. Une pratique de plus en plus répandue. Ça a suscité... Il y a des mots qui sont difficiles à dire le lundi matin. Ça a suscité le débat. Et oui, c'est vraiment le cas de le dire. Oui, parce qu'il y a clairement les pour, les contre. On va commencer par les contre. Wendy écrit... Ah non, je bosse le samedi et certains dimanches et je ne le souhaite pas aux autres. Les gens peuvent parfaitement s'organiser sans. Il y a d'autres activités à faire le dimanche ou tout simplement être avec sa famille. C'est toujours aux personnes dans la vente qu'on demande des efforts. Mais essayer d'aller dans une banque, un bureau ou une commune à partir de 16h30, 17h, c'est fini. Les commerçants ont également droit à un week-end. Pour Martine, il y a suffisamment de jours d'ouverture. Je ne vois pas l'intérêt de faire ouvrir les magasins le dimanche. De plus, les revenus ne sont pas élastiques. Donc franchement, comme lieu de balade, il y a beaucoup mieux que les magasins. Et enfin, Michel, moi, le dimanche, je préfère profiter de la nature. Au moins, c'est gratuit. Ça, c'est les pour. Mmh. Bon, on a les contre ? Ben, non. C'était, ah, c'était les contre, on a les pour. Voilà. Alors, Nicolas, dans plein de pays, tous les magasins sont ouverts le dimanche et ils ouvrent tous les jours jusqu'à 20, voire 22 heures. En Belgique, on est toujours en retard d'une guerre. Ici, beaucoup de magasins ferment à 18 heures. C'est n'importe quoi. Natou nous écrit « En rentrant du boulot à 18 heures avec des enfants à mettre au lit à une heure raisonnable, je suis bien contente que certaines chaînes décident d'ouvrir le dimanche, j'avoue. Et les professions où l'on bosse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sont nombreuses. Merci à eux. » Et puis Joël, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le problème est que le Belge est ancré dans ses habitudes et réfractaire à tout changement. Que de grincheux, la vie est courte. Voyez le verre à moitié plein et non l'inverse. Et on continue le débat. T'es pour ou contre, toi, Aurore ? Ben, alors, je suis pour si c'est sur base volontaire de la part des commerçants. Ils ont une prime quand même, le souci du travail aussi. Donc oui, le souci, c'est qu'on vous le dira dans tous les commerces où ça se pratique. On vous fait croire que c'est sur base volontaire, mais la pression est telle sur les employés qui n'ont pas trop le choix. Un dimanche de temps en temps, c'est vrai que quand on a des horaires en semaine et qu'on n'est pas là pour l'ouverture des magasins, c'est un petit peu chaud. Oui. Regarde, moi, je suis toujours habillé pareil. Et ça commence à trouer mes vêtements. Hein. Vous n'avez vraiment pas de chance, vous. Ben non, c'est un petit peu embêtant. Oh. Je vais faire une photo des trous. Vous devriez vous plaindre, genre dans une émission de consommation. Tu crois ? J'ai un coup de gueule en fin d'émission, si vous voulez. Ah, d'accord, je fais ça. On a aussi beaucoup de réactions sur le test des bouloirs, vu que l'Europe veut limiter la puissance de ses bouloirs électriques pour faire des économies d'énergie. Nous, on s'est demandé si ça valait vraiment la peine en comparant deux modèles, un à 2400 watts et un l'autre à 600 watts. Oui, et là aussi, un débat très intéressant, et je vous jure que c'est vrai, sur la page Facebook. Avec par exemple l'avis de Thibaut, pour une masse d'eau donnée, la quantité de chaleur à apporter est la même à température égale. La puissance est une image du temps. Alors lui, il est prof de science. Oui, c'est fabuleux. Il faut réduire la quantité d'eau à chauffer pour faire de belles économies. Pourquoi faire chauffer un litre quand 30 centilitres suffisent ? C'est pas mal. Oui, mais si tu tiens compte du temps qui passe et de l'évaporation. Non, il parle aussi de chambre de chauffe, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je vous assure que c'est très intéressant. Sarah, elle nous chambre dit... Chambre de chauffe on peut aussi... Tu le dis vraiment comme si ça ne t'intéressait pas. En fait. Mais non, c'est pas vrai. Sarah, elle dit quoi ? Sarah, elle nous dit, on peut aussi laisser les bouilloires tranquilles et investir dans l'énergie renouvelable parce que 9 minutes pour un litre d'eau chaude, à mon avis, ça va plus vite de chauffer à la casserole. Et puis l'avis de Stéphane, je peux aussi attendre le soleil et prendre une loupe pour chauffer l'eau. Hubert a une réaction. Non, pas du tout. J'écoutais ça avec beaucoup d'intérêt. Je me dis, la prononciation évolue. Beaucoup de personnes se disent que une bouilloire, bouilloire, alors vous l'avez très bien dit, bouilloire. Bouilloire, c'est bouilloire. Je pense qu'on est un peu influencé par le wallon, parce qu'en wallon, on dit une bouilloire. Mais oui, bien sûr, on est influencé. Oui. Bref, si vous avez des choses à dire, c'est sur Facebook que ça se passe, ou un petit mail aussi. pigeonpluriel@rtbf.be. Alain Souchon arrive avec la balade de Jim, et puis nous prendrons la direction de tournée parce que Thierry a explosé les jambes de sa bagnole dans un Nidpool et il est un petit peu embêté. Chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour savoir s'il faut 3 ou 5 minutes pour un œuf à la coque quand même. Mais chérie, ils ont les meilleurs conseillers. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, mon amour. Ça bouge. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions printemps à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. Tu sais, chez Abiome... Oui, je sais, dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées,

1985, la petite balade de Jim, c'était Alain Souchon. Ah, vous êtes content de votre bagnole? Oui, c'est la raison pour pas être difficile, hein. Ah, mais elle est jolie, quoi, quand même. Si, Dodo. Il est bientôt 11h21, on accueille Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Allô Thierry. Oui, je vous écoute. Ah, vous m'entendez? Oui. C'est le principal. Vous êtes dans votre voiture? Non. Elle roule plus, votre voiture? Si, avez... si, elle roule. Hein. Vous, elle roule, oui, mais vous avez cassé les jantes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas les jantes, une jante. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les faits se sont déroulés en 2013, le 6 avril. C'était un samedi et il était plus ou moins 21h. Donc, vous pouvez vous imaginer, il faisait sombre. Oui, et il donc, pleuvait ce jour-là, c'est important. Pardon ? Il pleuvait ? Non, il ne pleuvait pas, mais il faisait noir, ça c'est certain. D'accord. Et donc j'emprunte une petite route de campagne, pas large, mais asphaltée, ouais. Et très mal éclairée. D'accord. Et c'était sur une ligne droite de plus ou moins 300, 400 mètres, ouais. Mais bon, pas question de faire des excès de vitesse. C'est et bien, voilà, vous êtes prudent. Je suis passé dans ce nid de poule, je l'ai vu, mais trop tard pour réagir, donc... Voilà. Et donc la jante explosée, voiture immobilisée. Voilà, tout à fait. Donc la et première vous chose. Vous dites, hey, c'est pas de ma faute cette histoire. Hein. Ben c'est pas de ma faute. C'est difficile à dire, mais enfin, bon, j'ai fait les démarches nécessaires, comme beaucoup d'automobilistes. C'est-à-dire, vous avez fait quoi là? Donc j'ai pas réagi le jour même. La première chose qui m'importait, c'était de réparer, enfin de remplacer la roue, mm-hmm. et continuer mon chemin. Mm-hmm. Et bon, le dimanche, je suis retourné sur place pour constater le nid de poule, ouais. Faire des photos, ouais. Pour apporter des preuves à la ville de Tournai. Donc le lundi à la première heure, je suis allé au bureau de police de Templeuve pour déposer ma plainte, ma déclaration. Je suis passé ensuite à la ville de Tournai, donc, où j'étais très bien accueilli par la dame qui s'occupe des assurances. Résultat de tout ça? Moi j'ai reçu une réponse négative de l'assurance de la ville de Tournai. Donc Etias, en fait, effectivement, n'intervient oui. pas pour vous dans votre dossier, malgré voilà. la jante explosée sur ce chemin qui appartient à la commune. Voilà. Donc la commune devrait intervenir et son assurance devrait, par derrière, faire ce qu'il faut. Etias, gros assureur, souvent ouais. présent pour les communes. Alors pourquoi Etias n'intervient pas, c'est un suspense infernal. Ouais, et c'est vrai que ça dure depuis déjà 3 ans pour vous. C'est ça. Et c'est assez énervant, j'imagine, suspense Thierry. De dingue. Alors, on va donner un coup de fil directement chez Etias, on a le porte-parole. Benoît Rigaud, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi Etias n'intervient pas dans cette histoire? Alors, recadrons un peu la problématique. On est ici dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile. Ouais. Donc, dans ce cadre d'assurance, il faut 3 éléments qui doivent intervenir. Donc, un dommage, ici le dommage, il est clair, c'est la jante qui est explosée. Mmh. Il faut un lien causal entre le dommage et les faits, ben, c'est clair aussi. Il a roulé dans le nid de poule. Voilà, il a roulé dans le nid de poule. Mais il faut une faute. Et ici, pour nous, assureurs de la ville, nous n'avons pas relevé de faute de la ville de Tournai. Donc un mauvais entretien des routes et des nid de poule, ça n'intervient pas dans la responsabilité de la ville. Alors, la règle est celle-ci. Les villes et communes ont une obligation de moyens dans ce cadre-là, pas une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas demander aux villes et communes d'avoir en permanence un billard sur toutes les voiries des communes. Mm-hmm. Par contre, ils ont une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour soit réparer, mais parfois c'est l'hiver, c'est pas possible de réparer, soit s'il y a effectivement un danger, de signaler le nid de poule en question pour que les automobilistes évitent l'accident ou ralentissent au moment de passer à l'endroit. Ici Thierry, on revient chez Thierry, est-ce que le nid de poule était signalé, Thierry? Non, c'est moi qui l'ai signalé le dimanche, quand je suis retourné sur place, j'ai pris une bombe traceur de chantier pour bien indiquer qu'il y avait un danger. J'ai fait un triangle sur la route pour éviter que d'autres automobilistes passent dans ce nid de poule. Mais vous n'auriez pas dû écrire « fuck the commune » sur la route. Ça, c'était peut-être pas nécessaire. Non, et ce que je tiens à préciser aussi, c'est que quand je me suis présenté à la ville de Tournai, la dame en question m'a précisé qu'il y avait déjà eu 2 plaintes au préalable. Aha. Concernant le même nid de poule. D'accord. Alors donc, Benoît, pourquoi vous n'intervenez pas alors ici, puisque c'est pas signalé, donc la commune n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour le signaler? Donc effectivement, si la commune était au courant, ça change un peu les données. Donc ça, c'est un élément dont nous n'avions pas connaissance. Aha. Ce qui nous a motivé dans notre décision que nous avons renvoyé à l'assureur protection juridique de monsieur en 2013 et qui a accepté notre décision, puisque nous n'avons pas eu de retour de l'assurance protection juridique. Donc c'est un élément nouveau que vous m'apportez là. Oui. Par contre, ce qui a motivé notre décision, c'est le fait que ça s'est passé dans la rue de l'automobiliste et que voilà, on peut estimer que étant dans sa rue, il pouvait normalement être au courant de l'état de la route. Non, pas du tout, parce que c'est une route secondaire que j'ai très rarement l'occasion d'emprunter. Et c'est ici. Mais c'était dans votre rue ou pas? Parce que ça, c'est très important, puisque ça a motivé la décision d'Etias, le fait que vous connaissiez l'endroit. Non, je connais la rue, mais c'est une rue secondaire que je n'ai pas l'habitude d'emprunter. C'est pas votre rue, c'est une rue à côté de chez vous. Elle porte le même nom, mais c'est pas la rue principale. Il y a homonymie avec votre nom de rue, mais c'est pas votre rue. Maintenant, c'est deux éléments nouveaux. Est-ce qu'on peut rouvrir le dossier chez Etias, sachant que la ville était au courant? Oui, selon les dires de Thierry, évidemment. Oui, sachant que c'était pas sa rue aussi, et que c'était une rue annexe qui est homonyme, donc ça change un petit peu la donne, Benoît, ou pas? Mais disons que nous, on a toujours laissé la porte ouverte. Hein, donc, je vous ai dit, on a écrit à l'assureur protection juridique de monsieur avec nos arguments. On n'a pas eu de retour de leur part. Donc, nous, on a considéré que le dossier était clos, puisqu'il n'y avait pas contestation de notre décision. Et voilà, c'est aujourd'hui que, via votre intermédiaire, que nous avons, entre guillemets, une contestation dans ce dossier-là. Donc, s'il y a des éléments neufs qui sont apportés à notre connaissance, nous, on en tiendra compte. Thierry, on va conclure avec ça. Vous allez à la commune. Vous allez récolter les témoignages. Si on vous a dit que c'était déjà... Mais je ne peux plus aller à la commune parce que j'ai reçu un courrier d'Etias, parce que j'y suis retourné à la commune pour retrouver cette dame qui m'avait aidé très sympathiquement. Et je lui ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir les identités des deux autres personnes qui avaient déposé plainte. Et puis suite à ça, j'ai reçu un courrier d'Etias en disant que je devais arrêter de me représenter à la ville de Tournai. Maintenant, il y a des éléments nouveaux. Voilà. Donc, effectivement, vous devez faire valoir vos droits. Votre assurance protection juridique doit également intervenir, puisqu'il y a visiblement une ouverture. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. Les pigeons ont encore frappé. Et ça arrive à plein de gens, parce qu'il y a d'autres communes. Évidemment, il y a des trous. La région wallonne. On ne va pas les citer toutes. Il y a des autoroutes et tout. On en reparlera dans une heure, parce qu'on est fort dépourvu devant ce genre de trous. Hein, on est d'accord, on en reparlera avec la porte-parole des trous. Ça, 75 ans de liberté, l'aventure ne fait que commencer. À découvrir aux établissements Constant les conditions 75e anniversaire de la gamme Jeep. Portes ouvertes les 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. La 3 présente le rendez-vous de l'été au Festival de théâtre de Spa. C'est 11 jours de spectacle, 25 compagnies, 70 représentations, 7 lieux de jeu. Venez vivre le théâtre à Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique, l'avenir et vivacité. Les commerçants du centre commercial de Barchon et les commerçants avoisinants vous accueillent du jeudi 9 au dimanche 12 juin pour leur grande braderie annuelle. Profitez de nombreuses promotions. Exceptionnellement, les commerces seront ouverts dimanche 12 juin toute la journée. Covitain Construction vous invite à découvrir sa nouvelle réalisation ces 11 et 12 juin. Visitez nos appartements témoins situés au cœur de Warem, rue Rena Street 42. Plus d'infos, covitain.be. Les belles maisons, c'est Covitain Construction. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. eso, yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Iglesias avec Duel El Corazon. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est comme ça que je le dis. On part sur les routes. 11h32, Antoine Bidamé, comment ça se passe? On a toujours une manifestation en cours sur la N5 à hauteur du rond-point Bultia à Gerpine. Une manifestation et donc une opération escargot qui est menée à cet endroit-là dans les deux sens. Un chantier mobile à Bruxelles, c'est dans le tunnel Rogier, bande de droite neutralisée en direction du Midi. Et un accident sur la N4 Namur-Arlon à hauteur de Marchand-Famène, chaussée actuellement fermée à cet endroit-là en direction d'Arlon. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Place au journal de la conso. Ça y est, c'est annoncé, c'est confirmé. Aldi va bien proposer des grandes marques dans ses magasins Aurore. Oui, Coca-Cola, Kinder, M&M's, Nutella et Lenor. Voilà donc les marques que l'on peut désormais trouver chez Aldi, qui pourtant avait fait sa réputation sur des bas prix et surtout des marques introuvables ailleurs. Non, mais c'était drôle parce que les Léo, c'était des Olé. Tu vois, les friandises, c'était drôle les marques là-bas. Moi, j'aimais bien. Ben, alors, c'est fini pour certains produits. Mais vous trouverez ces marques en faible quantité pour que le magasin ne perde pas son identité. Il y aura toujours du caco. Il y aura toujours, c'est ça. C'est drôle. On parle aussi d'une autre chaîne de magasins dans la presse du jour, c'est Colruyt. Il est question de chocolat. Oui, avec une belle nouvelle d'ici 2017, Bonnie Selection et Everyday, donc sont les marques propres de Colruyt. Eh bien, ces deux marques n'utiliseront plus que du cacao durable, à l'heure où les grandes marques tentent de se racheter une conduite avec des auto-labels pas toujours clairs. Eh bien, Colruyt agit très concrètement. Le groupe veut obtenir la certification UTZ pour ses 174 produits chocolatés. UTZ, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, c'est quoi UTZ? Eh bien, c'est un label donné aux produits cultivés de manière responsable. Mm-hmm. À Pâques, la chaîne de magasins avait déjà proposé ses œufs en chocolat Fairtrade. C'est maintenant toute la gamme qui va y passer, mais en 2017, donc il faut le temps que les fournisseurs s'adaptent. Et puis, on en vient à cette info qui va intéresser tous les chasseurs de tremblements de terre. Oui, les sismologues de l'Observatoire d'Uccle cherchent des caves. Des caves pour placer des accéléromètres. Ce sont des appareils qui détectent les tremblements de magnitude de 3 au moins sur l'échelle de Richter qui surviennent dans un rayon de 25 km. Voilà pour l'aspect, on va dire, scientifique de la chose. Actuellement, il y a 40 appareils de ce type en Belgique, mais pour avoir une vue complète du pays, il en faudrait une centaine. Et donc l'observatoire demande l'aide des particuliers. Il suffit de placer l'appareil sur le sol dans la cave. C'est pas plus grand qu'une brique et en plus tout se fait tout seul. Vous n'avez vraiment rien à faire, les données sont transmises par internet, donc vous occupez de rien. Donc c'est pratique. Alors certaines régions sont plus concernées que d'autres. La liste est longue, donc je vais pas vous le faire ici. Mais Liège, le Brabant Wallon sont des régions avec Oui, mais ici, ce sont des communes très particulièrement qui sont visées. Alors, ce sera une première mondiale. Ah, visée ? La commune de visée ? Elle n'était pas... J'essaye de voir si votre blague fonctionne ou pas. Si mes souvenirs sont bons, elle n'était pas dedans. C'était pas une blague.

ta sensualité. Et j'aime le vie de Ruff Radio. Non, on ne se moque pas. On n'est pas des pigeons. Alors on va parler consommation, mais pas n'importe quelle consommation, Paul Henry, il est question de consommation de bière. Oui. Et j'avais une petite question à poser autour de la table. Oui. Est-ce que tout d'abord, vous êtes consommateur de bière ? Oui. Oui. L'un et l'autre. Oui. Général. Oui. Pouvez-vous me donner une appréciation de votre consommation de bière durant l'année ? Est-ce en que vous avez l'impression en de plus ou moins ? Attends, je regarde mon bide. Oui, c'est plus. Hein. Plus. Oh, ça va. Hein. Je pouvais le dire tout seul, c'était moins vexant. Oui, c'est vrai. Et que disent les chiffres de la consommation clairement chez nous ? Est-ce qu'on est dans la moyenne finalement ? Alors, la Fédération des Brasseurs Belges publie chaque année des chiffres sur l'année écoulée. Donc ici, il s'agit de 2015. Et que nous disent ces chiffres ? Eh bien, ils confirment une tendance à la baisse, messieurs, dames, moins de 1,5% depuis 1995. Alors, touché par ce recul, c'est principalement la Pils, mais, en termes de bière de dégustation, là, ces bières ont le vent en poupe avec une consommation qui augmente, plus 4,2%. Donc bref, moins de Pils, plus de bières spéciales. D'accord. On consomme peut-être aussi de façon plus responsable. Enfin, bon, ça dépend pour qui. Oui, ça dépend à quel moment. Ouais. Alors, il y a un autre phénomène qui est déjà épinglé, c'est les microbrasseries, qui sont toujours de plus en plus nombreuses. Certains ont connu un développement important. C'est le cas de la brasserie des Fagnes à Couvain. On a le patron de la brasserie des Fagnes en ligne, Frédéric Adam, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les chiffres de la consommation nationale sont en baisse, on l'a entendu. Vous produisez moins de bière alors ? Non, pas du tout. Nous, au contraire, on reste en belle progression. L'année dernière, on était en progression d'environ 10%. Et cette année, on vise une progression entre 10 et 15% encore. Donc ça se passe plutôt bien. Parce que je pense que toutes ces microbrasseries font que les gens sont attentifs à une consommation un peu plus terroir. Il y a un peu de fierté régionale. Et c'est vrai que... alors pour nous, c'est vrai que ça devient compliqué puisque suivant les régions... On perd un peu de consommateurs puisque dans chaque région, dans chaque petit coin, dans chaque village, il commence à y avoir des brasseries un peu partout. Ouais. Donc on est obligé d'être un peu plus combatif et de rester, comme on dit, sur la balle pour garder nos clients, nos consommateurs qui ont cette diversification finalement est bien. Mais donc ça veut dire que vous vous exportez alors ? Alors on commence seulement l'export, mais c'est vrai que globalement on sent quand même que le Belge, ou en tous les cas le Wallon, puisqu'on est surtout présent en Wallonie, ouais, consomme mieux et est attentif à boire peut-être un peu moins, mais de bonne qualité. Et c'est un mouvement qui se passe aussi chez les jeunes. Oui, Paul-Henri. J'avais une question par rapport à l'exportation. Justement, comment arrive-t-on à exporter des bières comme ça de brasserie plus locales ? Donc c'est un mouvement qui est un peu un mouvement mondial. Donc il faut savoir que la Belgique, on a quand même une excellente réputation dans le monde entier. Donc il y a un peu partout des importateurs qui cherchent une diversification. Il y a beaucoup d'importateurs qui ont une exclusivité avec certaines marques et donc d'autres qui ont envie d'étendre un peu leur portefeuille de produits et qui nous contactent. Donc on a chez nous depuis six mois maintenant un très bon export manager. Le tout, c'est toujours la même chose. C'est de trouver le bon qui lui prend contact avec des importateurs ou répond à certaines demandes. Donc c'est lui qui bosse pour faire connaître votre bière un peu partout dans d'autres pays. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus réceptifs que d'autres ? Il y a beaucoup de pays. Quels sont les autres pays qui boivent beaucoup de bière, quoi, en gros ? Voilà, on va plutôt agir différemment, c'est-à-dire qu'on va partir de ceux qui ne sont pas musulmans. Ouais. Nous, on retire aussi tous ceux qui ont une législation assez contraignante, ouais, comme les États-Unis où chaque État... à une législation particulière et donc on doit mettre une contre-étiquette pour chaque État en disant voilà que la bière est conforme à la législation en vigueur, par exemple au Michigan ou des choses pareilles. Ouais. Donc ça, pour des petites brasseries, c'est juste impossible. Et pour les petites brasseries, bénéficier parfois d'un label, d'une marque plus importante, est-ce que c'est un... On parlait de la diminution de la Pils, par exemple, mais est-ce que, voilà, pour vous, c'est parfois aussi un créneau de suivre les grandes marques ? En fait, ce qui se passe, c'est que les grands, on se mérite d'ouvrir les portes. Donc, il faut connaître le marché de la bière spéciale dans le monde entier. Et puis, les gens se disent, tiens, derrière une Pils, il y a des bières spéciales qui existent, pour ne pas les citer, comme la Leffe, la Grimbergen, et des bières très connues qui sont des bières qui sont présentes dans le monde entier. Et puis, petit à petit, ce consommateur qui a commencé à découvrir le goût de la bière spéciale se dit, mais tiens, il n'y a pas que ça sur le marché, il y en a d'autres également. Donc autant les grandes brasseries sont des concurrents importants, autant quelque part, ce sont eux qui ouvrent la voie. Qui ouvrent la voie et vous vous engouffrez dedans. C'est une belle manière de se faire connaître aussi effectivement à l'étranger. Merci Frédéric Adam pour toutes les précisions. Ce qu'on va retenir, Paul-Henri, c'est que la diminution de la pile chez nous est en baisse, mais les bières spéciales se portent bien. Et ce qu'on retient, c'est surtout qu'il faut chaque fois avoir ce copain qui s'appelle Modération dans les parages, parce que c'est avec lui qu'on boit toujours. Hé, hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours. Et s'il y en a un hors jeu, carton rouge, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau ? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. Marque à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournable pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marqueasuivre.be. Marque à suivre. Buggy, extrait de l'album Colors et le titre Lonely Town. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Au moment où je vous parle, Hubert, des centaines oui. de jardiniers sont en train de s'arracher les cheveux, pour ceux qui en ont, évidemment, à cause des ravages causés par les limaces et les escargots sur leurs plantations. Effectivement, Sébastien, parce que la limace est certainement un des ravageurs des jardins parmi les plus redoutés. Elle raffole des jeunes pousses. Elles peuvent détruire vos hostas, dahlias et tagettes en une nuit. Alors, il y a plusieurs sortes. La grosse limace qui peut mesurer jusqu'à 15 cm. C'est vilain quand même, une limace. La limace horticole ou des jardins. Et enfin, la petite limace grise qu'on ne voit pas beaucoup, mais elles sont toutes aussi redoutables l'une que l'autre. C'est donc un animal qu'il faut combattre, Hubert. Effectivement, Sébastien. Et pour bien combattre, il faut connaître les faiblesses de l'adversaire. Le chasseur de limaces doit savoir qu'elles sont constituées de 85% d'eau et qu'elles se dessèchent quand l'air devient sec. Elles quittent leurs abris la nuit et dès que le temps se réchauffe, se réfugient dans des endroits frais. Pour avancer, elles sécrètent du mucus. Vous savez, cette fameuse bave gluante des limaces. Eh bien, sans cette sorte de lubrifiant, elle ne peut plus avancer. Voilà. Ah bon ? Et connaissant ça, vous avez déjà une idée des armes employées. Ah bah oui, ses cheveux par exemple. Non, si. Soyons sérieux. Tôt le matin ou tard le soir, faites le tour du jardin pour ramasser les limaces. C'est un peu embêtant. Mais non, on ramasse quoi ? Tu prends les limaces comme ça ? Oui, on les met dans un elles vont pas vous manger. Mais non, s'il y a bien un animal que je trouve un peu dégueu, c'est ça. On dit aussi qu'il faut rendre l'accès aux plantes difficile. Donc, plus le sol sera sec et poreux, plus elles devront dépenser de mucus. D'accord. Alors, cet effort ne leur convient pas. Elles vont changer de direction ou vont réduire immédiatement son activité. Entourez donc vos plantations de mares de café, de sable fin, de cendres. Ah ouais, voilà, carrément. Tout ce qui est sec, quoi. Et c'est efficace ? Moyennement, puisque... Merci. Mais beaucoup de gens croient que c'est hyper efficace, mais dès qu'il a plu, évidemment, quand le sable devient mouillé, rebelote, la limace peut passer. Alors, toujours dans les barres, on peut mettre aussi des aiguilles de pin, on dit que c'est efficace. Mais ça crève les pneus. Voilà, ça crève, ça pique la limace. Toujours dans les barrières, des bandes de fil de cuivre qu'on va dérouler autour des potées et des cultures en planches surélevées, elles sont jugées efficaces par les lecteurs qui les utilisent. Moi, j'ai pas utiliser ça. Il paraît que le léger courant électrique qu'il génère dissuade les mollusques de toute intrusion. Mais ce qui marche bien, c'est de disposer des attire-limaces dans le jardin. Mais on s'en débarrasse et on prend des trucs pour les attirer. Je vous explique. Vous mettez une tuile, du carton, une planche, alors les limaces vont se réfugier en dessous jusqu'au lever du jour, parce qu'il fait frais. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous retournez la tuile ou la planche, et vous prenez les limaces et vous les coupez en deux. Vous voulez vous en débarrasser ou quoi ? Petite nature, c'est très efficace pour d'encourir l'immunité. Petite nature peut-être, mais barbare, bourreau. Alors, pour que ça marche encore mieux, en dessous des planches ou des tuiles, vous mettez des rondelles de pommes de terre ou une tranche de pamplemousse et ça va les attirer et puis vous prenez des ciseaux. Et on fait des tapas. Et on a parlé aussi de pièges à bière. Est-ce que les limaces seraient alcooliques, Hubert ? Eh bien oui, ça marche. Ça marche bien, c'est très efficace pour les grosses limaces. Mais le problème avec la bière, c'est que les limaces ont un odorat très développé, figurez-vous. Ouais, ouais. Et elles sentent la bière à plusieurs dizaines de mètres et vous risquez d'attirer les limaces des voisins. Et les voisins aussi, peut-être, qui sentent la bière et qui se disent « tiens, il y a des pièges spéciaux pour limaces dans lesquels on peut mettre un appât spécial qui attire les limaces dans un rayon de 2 mètres. C'est plus correct. Là, vous pouvez vous en débarrasser. Alors, vous n'attirez pas non plus les limaces du voisin. Alors, un mélange d'eau et d'ail pulvérisé tous les 7 jours sur le pied de plante serait un bon répulsif. D'accord. Voilà, je vous dis, il y a des dizaines de trucs comme ça contre les limaces. Certains, paraît-il, mettent du sel. Oui, c'est Bernard. Sur Facebook. Alors, Bernard, attention danger, parce que si vous mettez du sel autour des plantes, vous allez saliniser votre terre. Et au bout d'un temps, il n'y a plus rien qui va pousser. Ouais, mais si c'est autour des patates, c'est déjà ça de gagner pour la cuisson. Oui. Vous comptez des choses. Il y a les granulés anti-limaces aussi. Ah ben oui, ça, effectivement, on arrive dans les procédés chimiques. C'est très efficace, mais c'est délicat à utiliser. C'est foudroyant parce qu'on voit les cadavres directement. Mais attention, ces granulés contiennent du métaldéhyde, ce qui est très toxique par ingestion. Ils tuent les limaces, mais tuent aussi les hérissons qui mangeront la limace morte. Ouais. Attention aussi avec ces petites pilules bleues, si un gosse avale l'une de ces petites graines, il faut faire gaffe. Alors, heureusement, on trouve aussi maintenant des granulés anti-limaces au fer à molle.

Les infos avec Marianne Brilleau. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Le roi Philippe et le Premier ministre cet après-midi à 14h sur les lieux de l'accident qui s'est produit hier soir entre deux trains à Saint-Georges-sur-Meuse en région liégeoise. Un train de passagers embouti, un train de marchandises à l'arrêt. Deux wagons déraillés, deux voyageurs et un des conducteurs ont été tués. Neuf personnes sont blessées, dont un jeune homme grièvement blessé. Il a été projeté à travers l'un des deux wagons. Il y avait 40 personnes à bord du train de passagers. Barbara Schall, vous vous trouvez non loin du lieu de l'accident, non loin des enquêteurs aussi qui sont au travail depuis plusieurs heures déjà. Oui, trois enquêtes ont été ouvertes, l'une par le parquet, l'autre par le SPF Mobilité et enfin la dernière par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferré. Plusieurs experts sont donc en ce moment sur place et un hélicoptère de la police fédérale survole la zone, sans doute pour recueillir des éléments nécessaires à l'enquête. L'entrée du site est gardée par des policiers et c'est donc là que sont les journalistes en attendant de recueillir, d'obtenir des informations supplémentaires. Le roi Philippe et Charles Michel sont aussi attendus sur place pour les 14h cet après-midi. Barbara Schall à Saint-Georges-sur-Meuse avec Vincent Brichet. Le train de marchandises ne transportait pas de matière dangereuse. Il s'agissait de pierres calcaires. L'enquête n'en était évidemment qu'à ses débuts, vous venez de l'entendre. Aucune confirmation d'un problème de signalisation à ce stade, selon le gestionnaire du réseau Infrabel. Et pourtant, ce qui n'est pas normal, c'est que le train de passagers a rattrapé le train de marchandises. La signalisation existe justement pour l'éviter. Écoutez Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel. Quand un conducteur a un doute sur un feu, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il était vert, est-ce qu'il était... Il doit s'arrêter. Lorsqu'une portion de signalisation connaît des problèmes, par défaut, les signaux, les feux vont eux aussi se mettre au rouge. La sécurité l'emporte. Cette nuit-ci, quelque chose a dysfonctionné puisque deux trains se sont touchés alors que la circulation aurait dû réguler leur progression. Et c'est évidemment l'objet de toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et des réponses qu'on va apporter. Il y a également eu un incident hier soir. Quelques heures avant l'accident, la foudre a touché nos infrastructures électriques ici à proximité. Donc on a dépêché des techniciens qui sont venus sur place et leur conclusion a été que nos installations électriques ont été frappées par la foudre. Ils étaient encore sur le site au moment où l'accident a eu lieu. Donc le problème n'était pas résolu. C'est l'enquête qui devra le déterminer. Frédéric Sacré d'Infrabel, interrogé par Barbara Schall. Notons qu'en 2008, un accident du même type s'était déjà produit au même endroit. Pour ce qui est des perturbations sur la dorsale wallonne, elles vont durer une partie de la journée entre Flémalle et Huy. Des navettes de bus sont en service vers Liège, notamment. Le décès d'un octogénaire après les très fortes pluies et les inondations d'hier dans la région de Momigny, dans la Botte du Hainaut. L'homme âgé de 83 ans a glissé dans sa cave qui était inondée. Il est resté immergé plusieurs minutes. Il est décédé ce matin à l'hôpital. La grève des techs en province de Hainaut. Les chauffeurs de tournée affiliés à la CGSP ont décidé de reprendre le travail. À Mons, le trafic ne reprendra que demain mardi. Un bus sur cinq roule pour l'instant. Les conducteurs de Charleroi doivent se prononcer demain. Ce matin, des huissiers sont venus constater l'action des grévistes. Et puis, ces deux jours de grève annoncés pour demain et mercredi dans les écoles à Mons à l'appel de la CGSP. Grève dans l'enseignement officiel fondamental, secondaire et supérieure. Pour les examens de terminale, les jurys et autres épreuves prévues sont maintenues. L'arrestation en Ukraine d'un Français qui préparait apparemment des attentats pendant l'Euro de football, l'Euro qui commence vendredi. L'homme a été arrêté fin mai à la frontière avec la Pologne. Selon le chef des services de sécurité ukrainien, il transportait 125 kilos de TNT quand il a été interpellé. Un mot de tennis, David Goffin aux portes du top 10 dans le nouveau classement mondial publié ce matin. Le numéro 1 belge se retrouve 11e, c'est le meilleur classement de sa carrière. Le Liégeois de 25 ans qui grimpe de deux places grâce à son beau parcours à Roland-Garros. Roland-Garros où il a atteint les quarts de finale. RTBF Mobile Info, Antoine Binamé, un accident sur la Nationale 4. Oui, le temps que je vous le signale, eh bien bonne nouvelle puisqu'il est dégagé sur cette N4 Namur-Arlon à hauteur de Marche-en-Famenne. Chaussée libérée donc en direction d'Arlon. Toujours cette opération escargot sur la Nationale 5 dans les deux directions à hauteur du rond-point Bultia. Et puis simplement vous signaler cet objet encombrant sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur de Waterloo-Argenteuil. Passage difficile dans la boitelle de sortie numéro 28 en direction d'Opin. Ce sont des morceaux de blocs de béton qui pourraient gêner votre circulation. Faites-le plein d'instants gourmands. il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Manu Delporte à 12h30 pour les titres et à 13h pour le journal de Vivacité. Merci Marianne, bel après-midi. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, et parce que nous sommes lundi, coup de fil à un ami. L'ami en question, c'est Robert Rémy. Il nous parlera du pain. Nous nous intéresserons aussi aux food trucks. C'est à la mode en ce moment. Mais on a analysé un petit peu ces food trucks à notre manière. On verra ça avec Olivier Cohen qui a mené cette petite enquête. On continuera notre discussion autour des nids de poules, Frédéric. Oui, effectivement, on parlait de Thierry en première heure qui a connu un problème avec sa jante explosée dans un nid de poules à Tournai. L'assurance n'intervient pas parce qu'il habite cette rue, il est censé connaître ce nid de poules. Alors, un petit peu discutable, on va approfondir le sujet parce que vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook. Vous pouvez continuer à le faire. Aussi, et puis si vous, au lieu d'acheter des outils, si on les louait, parce que c'est vrai que ça coûte cher, si on en a besoin que deux fois, ce serait peut-être plus simple de les louer. C'est ce que propose Tournevis. On voit de quoi il s'agit exactement avant 13h. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe, Aurore. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous manifester pour le coup de gueule de fin d'émission. Vous pouvez aussi envoyer tout ça par mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Le répondeur est accessible au 070 222 660. Et puis, il y a aussi les SMS envoyés au 3063. On a aussi de la musique, mais qu'est-ce qu'on a à côté musique ? Par exemple, on a ça, c'est Omi avec Cheerleader. Vous voulez du souvenir ? On a aussi. Avec Pierre Rapsat, ensemble. Si vous passez à table, toute l'équipe des pigeons vous souhaite un excellent appétit. On est encore ensemble jusqu'à 13h. Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under. Far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or lover, we are put here to the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we die. Rhythm back. Be you enemy or brother, we were put here to discover the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic track. Love attack. I'm gonna get that rhythm back. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up. Et gonna rap up, up tonight. C'était Loïc Noté avec Rhythm Inside. C'est délicieux, délicious. Que c'est bon. Voilà. Nous allons manger, nous allons faire nos tartines, nous allons manger du pain avec vous, Robert Remy, bonjour. Bonjour. Autour de la table, amateur de pain ? Ah oui. Et comme oui, j'adore. Un pain en particulier, le simple pain blanc ou le multicéréales. J'aime bien changer, moi. Oui, c'est vrai. Avec un peu de tomates séchées dedans et des lardons. Ah oui, vous êtes dans l'exotique, vous, carrément. Bah, carrément. Dans le bon. C'est un aliment assez courant, effectivement, et on en consomme beaucoup. Arrête de fumer, merde. Pardon. C'est un peu le paradoxe belge. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais probablement connu autant de dénominations, hein, blanc, gris, complet, multicéréales, etc. Et pourtant, on en consomme de moins en moins. Savez-vous, savez-vous qu'en 1950, ça va vous étonner, on en était à 450 grammes par jour en moyenne. Et c'est un demi-pain, ça ? Eh oui. Ah ouais ? Et aujourd'hui, on en est à 135 grammes par jour. Ouais, deux tartines, quoi, en gros. Ouais, ah, ouais. Ça, c'est étonnant. Alors, c'est quoi le meilleur ? Blanc, complet, gris ? Vous avez évoqué quelques-uns ? Oui, la différence entre le pain complet, gris ou blanc, c'est avant tout le taux d'extraction de la farine. Hein. C'est ainsi que la farine complète, à l'inverse de la farine blanche, eh bien, elle renferme le son et le germe de la céréale. 1 gramme de fibres par 100 grammes dans du pain blanc pour 6 grammes dans du pain complet. Et on sait que les céréales complètes et les fibres en particulier, eh bien, ont non seulement un effet positif sur le transit intestinal, mais aussi dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais lisez bien les étiquettes ou interrogez votre boulanger, hein, parce que il y a parfois de petits malins qui utilisent du caramel pour colorer une farine blanche. D'accord, mais de toute manière, il n'y a pas d'étiquette sur le sachet de pain. Dans les grandes surfaces de distribution... Si on se penche sur le comptoir, là, on voit effectivement ce qu'il y a à côté du pain. Oui, là, d'accord, voilà. Okay. Alors, faire son pain soi-même, est-ce que c'est une solution, ça ? Ah, c'est certainement pratique. Hein. D'abord, vous pouvez faire le pain que vous préférez, et c'est vrai que c'est souvent moins cher. Mais bémol quand même, c'est d'abord assez long, il faut compter 3 à 4 heures hein, pour faire un pain maison. Ce n'est pas toujours évident de doser les ingrédients avec des risques de débordement hein, qui s'en suivent. Et surtout, ne lancez jamais une machine à pain en votre absence, parce qu'il faut avant tout éviter, les risques d'incendie. Ah, j'allais dire, on lance ça le soir, si ça dure 3-4 heures, mais là non plus, il ne faut pas. Alors. C'est-à-dire, on a testé hein, des machines à pain dans On n'est pas des pigeons, vous pourrez retrouver la séquence sur le site rtbf.be/pigeons, si ça vous intéresse, évidemment. On termine avec quelques conseils, Robert, conseils de conservation, parce que le pain, j'ai l'impression qu'en 2 jours, et puis il est foutu, quoi. Bah oui, c'est vrai. D'abord, en général, le pain complet se conserve plus longtemps que le pain blanc. Ah bon ? Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est ainsi. Le pain blanc se dessèche beaucoup plus rapidement que le pain gris ou le pain complet. Ne le conservez jamais à l'air libre hein, ou dans un sac plastique, mais donnez la préférence au sac papier et la boîte à pain. Mais le sac papier du boulanger. Le sac papier du boulanger, exactement. D'accord. Et la boîte à pain. Et astuce de grand-mère, hein, une pomme coupée en deux dans votre boîte à pain et vous évitez que le pain ne sèche trop rapidement. Ah bon ? Et ça fonctionne, ça. C'est étonnant. N'oubliez pas aussi que rien ne vous empêche de surgeler du pain. Ah bah oui, mais ça, c'est un truc qui est plus facile. Au moins, on est sûr. Qui surgèle du pain autour de la table ? Moi, tous les jours. J'ai petits... Alors, c'est pas très bon pour l'écologie, mais j'ai des petits sachets de 3-4 tartines tous les jours. Oui, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il est frais, effectivement. Ouais. Et là, on n'a pas de surprise. C'est un bon plan, ça, Robert ? Bah oui, tout à fait. Tout à fait, absolument. Et c'est vrai que quand on surgèle du pain, mieux vaut le surgeler par petites portions que de surgeler un pain complet. Allez, voilà les conseils du jour en matière de pain. Merci Robert. Bonne journée. Olivier Dillon arrive avec un extrait de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires et puis nous testerons les food trucks. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfant, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. 18 millions d'euros, mais tu te rends compte ? Elle n'avait qu'une toute petite chance de gagner, mais c'est sur elle que c'est tombé. Une nouvelle vie peut commencer. Quand on a de l'argent, soudain, on vous aime. Mathilde Seigné dans la liste de mes envies, suivie de Bowling, lundi soir sur la Une. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pas. Debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les Dion avec De mes propres ailes, extrait de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, et un extrait aussi prometteur me donne vraiment envie d'aller voir cette comédie musicale. C'est le fils de Céline ? Je ne pense pas. Un cousin peut-être un très très éloigné, mais si tous les Dion sont parents, ça fait beaucoup de monde, hein, on est d'accord. Dion Valmont, ils en parlent. C'est vrai. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Vous avez faim, vous ne savez pas quoi manger ce midi. Peut-être que devant votre entreprise, devant le parking de je ne sais pas quel magasin vous êtes, il y a peut-être un food truck. C'est à la mode les food trucks en ce moment. Et donc, on s'est dit qu'on allait mener une petite enquête sur ces food trucks. C'est vous, Olivier Coren, qui avez décidé de partir à la rencontre de ces camions improvisés en snack. Vous y êtes pris comment ? Je m'y suis pris tout simplement par le plus grand festival du food truck au monde. Ça se passait à Bruxelles, c'était il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est promené, on a mangé, et puis on a goûté. Et on a aussi pris quelques échantillons. On a pris une dizaine d'échantillons. Et quelques kilos. un peu aussi, en passant. Mais on peut toujours en perdre aussi. Mais sur ces échantillons-là, alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire ? Il y en a sur les 10, il y en a... 8 qui sont très bons, mais il y en a 2 vraiment très mauvais. Quoi, résultat négatif, mais à quel point ? Résultat négatif. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ce soit, je dirais, une valeur indicative, on peut avoir 100 000 à 1 million de bactéries par gramme. Ouais. D'accord ? Donc, l'analyse, elle a montré quoi ? C'est que dans 2 échantillons, il y en avait un qui plafonnait à 5 millions. Ouf, oui, d'accord. Et l'autre, les boulettes épicées, à 90 millions. Le premier, les merguez, 5 millions, vous vous rendez compte, au lieu de 1 million, et ouais, les boulettes épicées, 90 millions. Alors, d'accord. Ok, mais c'est interpellant ça, les scientifiques qui vous ont analysé tout ça, trouvé ça interpellant vraiment ? Interpellant tout à fait, parce que les valeurs que je vous donne là, 1 million, sont les valeurs indicatives, c'est pas légal, mais interpellant pourquoi ? Parce que si on mange ça, si on est dans un public un peu plus faible qu'une personne âgée ou un enfant, on peut avoir des ennuis gastriques. Oui, c'est ça, donc en gros dans ce festival, il valait mieux qu'il y ait des caticabines. Il y en avait. Ah, ça, c'était ça à côté du food truck. Ça veut dire quoi, Olivier ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en matière de législation, est-ce que tout le monde peut ouvrir un food truck ? Alors, aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir un food truck, oui, mais pas n'importe comment. D'abord, il n'y a pas d'accès à la profession. Okay. Hein, de restaurateur, traiteur, c'est un accès à la profession, mais là, il n'en faut pas. Il faut naturellement avoir un statut d'indépendant, il faut avoir une carte de commerçant ambulant, et heureusement aussi, on pourrait dire, s'enregistrer auprès de l'AFSCA. Oui. Donc, mais là, on en vient aux résultats qu'on a trouvés. Ça veut dire quoi ? Il y a des contrôles, il y a des contrôles d'hygiène, l'AFSCA passe par tous ces food trucks ? Alors, l'AFSCA ne passe peut-être pas par tous les food trucks. En tout cas, pas par les deux que vous avez testés. On peut espérer qu'elle aille jusque cela. Mais en fait, elle mène les mêmes contrôles que partout ailleurs. Donc, il n'y a pas de contrôle spécifique pour les food trucks, mais il y a des contrôles pour les food trucks aussi. Ouais. Donc voilà, ils font les mêmes choses. Il faut savoir qu'au niveau de l'AFSCA, il y a environ 4000 plaintes introduites chaque année. Ouais. Et donc, c'est pas toujours, les résultats ne sont pas toujours très bons, comme on a pu le voir aussi dans nos échantillons. Donc là, effectivement, on ne va pas dire qu'on doit se méfier de tous les food trucks, évidemment, maintenant. On peut toujours. Il faut prévoir quand même. C'est cher, les food trucks, Olivier. Les plats qu'on a pris, c'est entre 3 et 9 euros. Ouais. Ce qui faudrait peut-être remarquer aussi, c'est qu'il y a tout de même du positif. Il y a tout de même 8 sur 10 qui sont bons. Particularité, par exemple, sur les sushis ou les moules. Les moules à la crème fraîche. Alors, je me suis dit, tiens, les moules à la crème fraîche, bon, là, on va tout de même essayer. Ils risquent peut-être d'avoir des mauvais résultats. Pas du tout, parce que j'ai appris que là, il faisait moins de 200 bactéries par gramme. C'est vraiment très peu. Pourquoi ? Parce qu'il les congèle, tout simplement. D'accord. Et les sushis, c'est vrai que c'est chaud aussi, ça, pour maintenir une qualité correcte. Voilà. Et si ça, c'était bon, tant mieux. Frédéric, une question ? Il faisait quoi comme cuisine, les deux food trucks bactéries ? Donc, merguez et boulettes épicées. Donc, se méfier, moi, je pense, en tout cas, surtout quand il fait chaud, quand on y est allé, il faisait plus de 25 degrés. Il avait bel air, bel aspect, ce food truck, où on se doutait déjà qu'il y avait un souci ? Non, il avait bel air. Pas de souci, on pouvait faire confiance, mais bon, maintenant... On va faire attention et on va surtout voir votre reportage ce soir à la télé à partir de 18h30. On a testé les food trucks, côté hygiène, côté un petit peu tout. Ce sera à voir en images tout à l'heure à la télé, sur la Une évidemment. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go.

Soirmag présente les 185 ans de la monarchie belge. Collectionnez une série de 4 livres sur Baudouin, Fabiola, Paola et Laurent, des personnages contemporains de notre dynastie. Dès ce mercredi, le premier volume Baudouin, au prix de 5,90€ seulement. Soirmag. Tout le monde s'y retrouve. Il est 12h30. Les titres du journal avec vous, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À 13h, nous reviendrons bien sûr sur cet accident de train à Saint-Georges-sur-Meuse en région liégeoise. 3 morts, 10 de blessés. Certains ont déjà pu quitter l'hôpital, mais certains sont dans un état très grave. Un jeune homme de 26 ans, par exemple, souffre de multiples traumatismes et ne pourra sans doute plus marcher. Sur les causes de l'accident, cela reste très flou à l'heure actuelle. La SNCB ne confirme pas un problème de signalisation. Ce qui est assez relevant, c'est cette histoire de foudre qui a touché une cabine de signalisation juste un peu avant l'accident. Des réparations venaient juste de se terminer avant la collision. Des experts sont dépêchés sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et on attend en début d'après-midi la visite du roi et du Premier ministre. La grève aussi qui perturbe toujours la circulation des bus en Hainaut. Elle est levée à Mons et dans le Tournaisis, mais à Charleroi on ne se prononcera que demain. À Mons, les enseignants aussi seront en grève demain et après-demain. En tout cas, un préavis a été déposé pour les 2 jours par la CGSP Enseignement. Ça touche le réseau officiel du maternel au supérieur. On y revient dans le journal de 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité avec Cheerleader. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Il y a un peu plus d'une heure, on vous parlait d'une spécialité wallonne, Frédéric, c'était les Nidpool. Exactement, et ça ne se mange pas. Alors effectivement, il y a pas mal de petits trous dans les routes, on en a parlé souvent au Pigeon, on a même fait un classement des pires routes de Wallonie, qui était joli. Et donc avec nous, pour évoquer ces problèmes de Nidpool et consécutivement les gens qui ont des accidents. Parce que c'est ça le souci, c'est ce qui nous a alerté tout à l'heure avec, avec l'auditeur Thierry, qui a eu un problème, carrément. Il est tombé dans un nid de poule, jambe cassée, voilà. Et Thias n'intervient pas parce qu'il était censé connaître ce nid de poule parce qu'il habite tout près. Donc, alors, qu'est-ce qu'on essayer, fait on va essayer de savoir ce qu'on fait avec... on va demander à deux spécialistes, carrément. D'un côté, nous avons Laurence Zanqueta, qui est la porte-parole du SPF Wallonie. SPW Mobilité. Bonjour Laurence. Bonjour. Et de l'autre, nous avons Lydia Catoul, spécialiste des assurances à la commune de Anu. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Frédéric. Voilà. Alors, est-ce que ça arrive souvent d'abord? Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes, Laurence, de beaucoup d'accidents consécutifs à des problèmes dans les routes au niveau wallon, Laurence? Eh bien, écoutez, nous, on a pas mal de plaintes. On en a pour le moment, ces dernières années, environ 500 par an. Ça augmente? Non, ça n'augmente pas, justement, ça diminue, puisque en 2010-2011, on en avait 2000. Donc, même si on a tendance à ne pas le voir, l'état des routes s'améliore quand même. On a eu vraiment de gros soucis après des hivers rigoureux en 2010-2011. Et là, on avait 2000 plaintes par an. Donc, ça a tendance à diminuer, mais nous, ça concerne des voitures. Donc, ce sont rarement des personnes qui se blessent et qui se cassent une jambe. Et vous remboursez? Et Thias, qui vous couvre peut-être derrière, rembourse la plupart du temps? Alors, écoutez, on rembourse... si le dossier est complet, s'il est basé sur des faits, parce que vous doutez bien que... Forcément, des photos, d'une plainte à la police, oui, ça va de soi, ça. Mais en général, la statistique est positive, parce que notre auditeur Thierry, lui, on ne rembourse pas parce qu'il était censé connaître ce trou. Est-ce que pour vous, c'est un argument? On est censé connaître ce trou parce qu'il n'est pas loin de chez non. vous? Chez nous, ce n'est pas un argument. Ce qu'il y a, au niveau c'est wallonie, que... hein, on répète. Au niveau, oui, donc moi, je parle route vraiment wallonne. Pour les routes wallonnes. Vous savez, il y a aussi tout le réseau communal. Chez nous, quand votre dossier, j'insiste vraiment, c'est bateau, mais il faut qu'il soit complet. Un dossier complet, c'est une attestation de la police, donc un PV. Si la police ne veut pas se déplacer ou ne veut pas vous faire ce fameux PV, trouvez des témoins, la personne qui est avec vous en voiture, des photos, les personnes, des photos bien sûr. Et ça marche la plupart du temps, donc l'assurance ou la région paye. Oui, mais bien sûr, on a quand même un expert qui voit si la facture que vous présentez correspond aux dégâts évidemment. De votre véhicule. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de plaisantins avant qui essayaient, qui tentaient le coup, mais ils sont de moins en moins nombreux parce qu'il y a quand même un petit délai. Avant ce délai, il était 18 mois. Maintenant, on arrive à le réduire pour le remboursement. C'est entre une année ou 6 mois. Il faut quand même attendre. Lydia Catoul pour la ville de Anu. Alors, est-ce qu'un panneau route dégradée qu'on met sur le long d'une chaussée, ça vous exonère de toute responsabilité? Mais disons que c'est préventif. Il se fait que donc la ville de Anu est obligée en fait de prévoir donc de remédier à toutes les situations urgentes. Donc c'est ce qui se passe le plus souvent, c'est que lorsque nous sommes avertis, le service communal, technique communal veille directement à se rendre sur place et alors à placer à faire les mesures d'urgence qui s'imposent par rapport à cela. Mais donc est-ce que ça vous exonère ou pas de mettre un panneau? Est-ce que alors l'automobiliste est prévenu et donc s'il se casse la figure avec sa voiture dans un trou, c'est de sa faute, c'était marqué route dégradée? Mais c'est-à-dire que bon, c'est pas nous autres qui statuons, c'est plutôt Etias, c'est l'assurance. Donc nous ne prenons pas position par rapport à cela. Nous faisons nous un rapport en ce sens. Bien sûr, s'il y a une signalisation qui a été placée, si par exemple l'éclairage n'était pas adéquat, etc., nous mettons tout en œuvre pour que ce soit la réalité des faits. Mais je veux dire, c'est Etias qui statue en son âme et conscience. Donc, en faveur de l'automobiliste en général ou pas trop? Parce qu'on a vraiment pas mal de gens qui nous disent Etias hésite, Etias demande des éléments pertinent, nous dit Eric. Oui. Alors il demande à Etias, c'est quoi les éléments pertinents? Et on lui répond, c'est des éléments pertinents. Voilà, oui. Donc on se mord un peu la queue. Et Nicolas de Assès nous dit, on a eu un problème de nid de poule et Etias refuse d'intervenir parce qu'il faut être maître de son véhicule en toutes circonstances. Et donc le nid de poule, c'est pas suffisant pour qu'Etias intervienne. Tout à fait. C'est vrai que bon, lorsque notre inspecteur se rend sur place, lorsque nous déclarons donc un sinistre de ce genre, les trois quarts du temps, donc il faut une enquête de circonstances, comme ils disent, au cours de laquelle des questions sont habituellement posées, telles que par exemple l'heure du sinistre pour voir la visibilité de la disposition des lieux. Et le fait de connaître l'endroit, puisque pour Thierry, le fait qu'il est voisin du trou, ça aggrave un peu son cas, enfin en tout cas ça empêche l'indemnisation. Donc il faut vraiment connaître les routes aux alentours de chez soi. Mais disons que oui, on est censé connaître les lieux et adapter sa vitesse en fonction de la situation. Donc c'est vrai que si l'on sait qu'ici, durant l'hiver, la période hivernale, on a eu pas mal de nid de poule, on sait qu'on utilise un chemin qui est beaucoup plus

sur terre. Encore hier. Encore un soir. Encore une heure. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Céline Dion, avec Jean-Jacques Goldman évidemment derrière. C'était Encore un soir. On n'est pas des pigeons. On va vous parler d'une initiative originale, c'est l'ASBL Tournevis qui a ouvert ses portes au micro-marché. 9 Quai de la Houille, on est à Bruxelles, l'association qui a lancé une outil tech, une idée assez originale qui va amuser tous les bricoleurs, ça Paul-Henri. Bah oui Sébastien, au lieu d'acheter une foreuse neuve, si ouais. on empruntait, c'est le pari que fait cette ASBL. Alors le principe, vous empruntez des outils comme on emprunte des livres. Tout simplement, on a en ligne Thomas Hopsommer, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce projet, mais d'où vient l'idée ? Oh, l'idée n'est pas neuve, hein. Il existe des outils tech déjà depuis des dizaines d'années. Oh, j'avais jamais Canada, entendu parler, moi, ça. Aux États-Unis, oui, donc en voilà, Belgique, c'est ailleurs. C'est assez neuf. Il y en a déjà une qui existe à Courtrai depuis quelques années, depuis 3 ans, je pense. Et mais tous les outils, on peut emprunter tous les outils. On peut emprunter tout ce qu'on veut, toute la collection s'emprunte. Comme marteau-pique, échelle. Marteau-pique, échelle, brouette, scie circulaire, scie à onglet. Une tondeuse, un taille-haie. Un taille-haie, donc nous avons 2 taille-haies, une tondeuse, nous n'avons pas encore. Ah. En outillage de jardin, c'est un peu un cas ambigu. En fait, la collection a été composée selon les désirs de nos membres. Donc nous faisons des enquêtes pour voir où sont les besoins. Et comment justement fait-on pour bénéficier de ce service ? Alors c'est très facile. Vous venez nous voir et vous faites membre sur place ou vous surfez sur notre site, donc www.tournevis.be. Mmh. Et là, vous trouverez aussi toutes les indications. Et il faut tout simplement payer 20 euros. C'est une cotisation annuelle de 20 euros seulement. Et là, ça vous donne accès à toute la collection. Mais il faut payer quand même à la location. On paye 5 euros pour la brouette, 7 euros non, pour le marteau pique. Même donc, pas. Donc la cotisation annuelle, c'est tout ce qu'il faut payer, sauf bien sûr les consommables. Hein, le papier abrasif, les lames de scie sauteuse. Bon, si vous les utilisez, telles qu'elles sont usées. Évidemment, il faut les payer. Mais il ne faut pas une caution pour les gros outils ? Non, pas du tout. Donc, on a fait vraiment un choix délibéré de garder l'accès très facile et très bon marché, parce que nous voulons vraiment lutter contre des produits prêts à jeter qui coûtent quasiment rien. Vous pouvez déjà vous acheter une scie sauteuse à 15 euros. Et donc nous savons que si nous allons demander une caution ne fût-ce que de 100 euros, déjà une partie de la clientèle va peut-être quand même aller chez Bricot ou dans un autre magasin s'acheter du bas de gamme. Donc nous voulons vraiment que ce soit tout aussi abordable que le bas de gamme qui existe dans les grandes surfaces. Et si le matériel se dégrade, si je fais une fausse manœuvre, que je casse le truc, carrément. Tout dépend bien sûr de la situation. Évidemment, le matériel va se dégrader peu à peu. Maintenant, il faut savoir que nous n'investissons que dans du matériel vraiment de haute qualité. Hein. Donc, nous n'achetons que des machines tout à fait professionnelles. Donc, déjà, qui sont vraiment faites pour durer. Donc, déjà, l'usure sera beaucoup moins importante. Puis, s'il arrive quand même quelque chose, nous faisons toutes les réparations nous-mêmes. Donc, en général, il n'y a que les pièces détachées à payer, puisque tout le reste, la main-d'œuvre, c'est du bénévolat. Donc, ça réduit déjà les frais de réparation. Et puis, on va regarder cas par cas ce qui vous est arrivé. Si, bien sûr, vous avez jeté une machine à la flotte. Oui, ça ne va pas aller, évidemment. Mais voilà. Alors, on peut emprunter pour un jour, 2 jours, un week-end, une semaine, plus de temps ? L'emprunt standard, c'est d'une semaine. Donc, ouais. Nous sommes ouverts 2 fois par semaine, lundi soir et vendredi soir, de 18h à 20h. Et donc, si vous venez chercher la machine lundi, vous nous la ramenez en principe lundi, soit déjà vendredi. Si d'accord, ben l'idée est super originale. Pour 20 euros, on emprunte tout ce qu'on veut. Le site internet, on le rappelle, ça se passe à Bruxelles uniquement, mais j'espère que ça va faire des petites histoires. Le site internet ?

ensemble. Ensemble, ensemble, même si on est différents. Oh, ensemble, ensemble, et ça. Extrait de l'album d'Azibao, c'était Pierre Rapsat en 2001 avec Ensemble. Il y a le coup de gueule de Chantal qui arrive juste après ça. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas, Avicii, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. On n'est pas des pigeons. Comme chaque jour, direction la page Facebook pour y lire le coup de gueule. Je le disais, il est signé Chantal aujourd'hui. Oui, elle lance un coup de gueule contre un coiffeur désagréable qui a raté ma coloration et m'a fait payer très cher. Et en plus, il s'est moqué de moi auprès d'un membre de ma famille le lendemain. Ah, c'est dommage, gentil, Chantal, de ne pas avoir donné le nom du coiffeur. On se serait fait un plaisir temps, de relayer. Si, mais alors, est-ce que tu peux porter... Est-ce que tu peux ouais, on en a parlé l'année passée, on avait fait un cas ouais. comme ça de litige. Et effectivement, on était parvenus à faire refaire une coloration gratuite. Oui, mais bon, toutes les mamies qui sortent avec les cheveux mauves... Ça compte. Ça, mais le problème, c'est que c'est voulu. Oui, c'est vrai que c'est voulu. Si vous avez des coups de gueule, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à nous dire, des problèmes, sur la page hein, Facebook de l'émission que ça se passe. Hein. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer tout ça via le mail, hein, pigeonpluriel@rtbf.be. Notre répondeur est là aussi au 070 222 660. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées. Changement de média pour l'équipe d'On n'est pas des pigeons. On vous retrouve ce soir sur la Une télé à partir de 18h30. Et c'est La Vie du Bon Côté qui commence avec vous, Sylvie Honoré. Et il paraît qu'on n'est jamais aussi bien qu'à 50 ans, c'est vrai ça ? Ah bah paraît-il, hein. C'est Sophie Favier qu'on reçoit aujourd'hui, Sébastien. Et en effet, elle en dit des choses dans le bouquin. Ça remue un peu quand on approche la cinquantaine, quand on l'a à peine la cinquantaine. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue pour ce marathon, parce que je sais que vous êtes deux jours en Belgique. Et donc, il a fallu s'inscrire sur la liste. Hein. C'est ça, mais j'adore la Belgique. Bon alors, comme vous dites, j'ai quand même lire déjà d'entrée de jeu ce que vous en dites. Vous dites, je trouve que c'est un sacré challenge d'être né sous chromosome X dans ce monde, de traverser la vie en décolleté tout en conservant sa crédibilité, d'accepter d'être courtisé parfois trop, puis de craindre de devenir une sorte d'objet périmé avec l'arrivée des premières rides, avant de trouver l'énergie pour refaire surface, tabler sur de nouveaux acquis, faire le juste tri entre ce que l'on doit céder à la jeunesse et gagner en maturité. Et là, vous dites, n'empêche, contrairement à ce que je croyais, du jour au lendemain, à 50 ans, je ne suis pas devenue transparente. Le Muséum d'Histoire Naturelle n'a pas demandé à exposer ma momie au rayon des stars en voie d'extinction. Bien sûr, je ne suis plus une pin-up, mais je n'ai pas perdu ma joie de vivre, bien au contraire. Et là, eh bien, vous nous livrez dans votre livre tout ce que les femmes de 50 ans se doivent de faire pour déclarer, elles aussi, que qu'est-ce qu'on est bien à 50 ans. Alors là, j'aurais plein de questions à vous poser. Sophie, on va demander aux auditrices, ou aux auditeurs quand même. Aux auditeurs, ils sont la bienvenue, bien sûr. Aussi, de s'affirmer sur le sujet. Messieurs, vous approchez la cinquantaine, votre femme a la cinquantaine, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude ? Est-ce qu'elle s'est dit, mais puisque j'en suis là, qu'est-ce que je peux être bien à 50 ans et qu'est-ce que je vais faire pour me prendre en main ? Parce que comme dit Sophie aussi Favier, elle n'a pas cessé de danser avec son aspirateur, la musique à fond, en faisant le ménage chez elle. Elle a gardé la même énergie, la même fantaisie qu'avant, mais avec l'expérience en plus. Bon, on a deux heures pour faire le tour de la question avec vous Sophie et ça va être un chouette moment. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez témoigner donc vous aussi sur le fait que vous n'avez jamais été aussi bien qu'à 50 ans. Aussi la cinquantaine approchant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour être encore mieux qu'avant ? Venez témoigner juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis que voici. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Bonne journée à tous. La chaleur va se faire sentir cet après-midi avec pas mal de soleil, mais une sensation de temps lourd aussi. On attend 28 degrés en campine, 26 dans le centre, 22 à 23 sur les hauteurs, 20 au littoral, mais des orages vont à nouveau se former depuis l'Allemagne et on s'attend à une fin de journée chahutée avec des orages parfois violents pouvant s'accompagner de fortes pluies, voire même d'un peu de grêle. Ce sera encore le cas en première partie de nuit, puis retour au calme et demain, même scénario qu'aujourd'hui, quelques brumes le matin, ensuite du soleil réveiller de la chaleur. 1 degré de plus qu'aujourd'hui encore, mais aussi et toujours ce risque orageux qui reviendra demain dans le courant de l'après-midi. Merci d'écouter Vivacité, les 13h. 3 morts, 10 de blessés, certains dans un état très grave. C'est le bilan de cet accident hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse, près de Liège. Une des victimes est un agent de la SNCB de 47 ans. Les circonstances de l'accident restent floues. La SNCB ne confirme pas un problème de signalisation. Des experts sont dépêchés sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. On attend la visite du roi et du Premier ministre en début d'après-midi. 13 000 enfants maltraités chaque année en Belgique. Ce sont les chiffres du Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Mais ce chiffre est sans doute sous-évalué. Les médecins ne signalent pas suffisamment.